vendredi 24 novembre. Bienvenue à l'émission Les Différents. Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10h. Et puis, ben, ce matin, en fait, on sera pas des super-héros. Je pense à comparer à eux autres, on se sentira pas tellement super-héros, mais je vais vous présenter des gens qui sont comme vous, comme moi, mais qui font des courses à obstacles, qui font par exemple les Spartans, ces choses-là. Ils vont toutes pouvoir nous expliquer qu'est-ce qu'ils font exactement, mais ils en ont fait juste cette année, à peu près chacun, là, 25 à peu près que vous avez fait. Et puis, je l'entends, je vais allumer le micro tout de suite, je pense qu'il est pressé, mon invité. En fait, c'est ça, ils ont plus qu'une vingtaine de courses cette année seulement. Donc, je vais vous les présenter, et puis parce que je suis vraiment intéressée de connaître leur histoire derrière ça. Qu'est-ce qui les a amenés là? Donc, j'ai avec moi Marc Desgagnés et Bianca Turcotte. Bonjour à vous deux. Hey, bon matin. Vous faites des courses de tous les types ou juste vous vous spécialisez dans une seule sorte de course que... Les courses à obstacles présentement, là. Moi, j'ai fait de la course de rue la première année, deuxième année aussi, mais maintenant, on fait seulement des courses à obstacles. Qu'est-ce qui a fait que votre vie, à un moment donné, vous avez décidé, parce que les deux, ça a été c'est par choix. Comme je disais, par exemple, sur la publication Facebook, en présentant votre sujet ce matin, je disais, c'est souvent pour la santé. Souvent, au top de la liste, c'est souvent ça. Il y a la forme, le poids, tout ça. Mais vous, qu'est-ce qui vous a amené au déclic à, ben écoute, ça me tente d'aller vers ça, vers la course? Tu veux-tu que j'y aille en premier? Ben, moi, c'est pas compliqué. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu surpoids. Fait que, aller jusqu'en 2008, je pesais environ 255 livres. Jusqu'un jour, j'ai dit non, ça suffit. Là, je me suis pris en main. J'ai fait un cheminement de perte de poids. Fait qu'en date de 18 mois, j'ai perdu pas loin de 100 livres. Ensuite de ça, ben, comme n'importe qui, on cherche, parce que la perte de poids, c'est une partie de se remettre en forme. Après ça, il revient aussi de dire commencer un certain entraînement physique. Puis par la bande, ben oui, avec du monde au travail, ou ma job à moi, ce que je suis encore, parce que ça fait 17 ans pour la même compagnie. On avait d'autres gens aussi qui commençaient, qui se mettaient en forme, eux aussi. Puis là-dedans, c'était la première... En 2013, on a eu la première course Spartan Race qui est venue ici à Québec, au Massif, à Charlevoix. Et on a eu un genre de défi d'entreprise, si tu veux, où on était une dizaine d'employés, qu'on était inscrits, payés par notre entreprise en plus, et que c'était un beau cadeau. Puis justement, nous permettait de vivre une nouvelle expérience. Puis c'est là qu'on a pris... On a eu la piqûre, comme on dit. Ouais. Des courses obstacles. Puis le fait, on parle de... T'as parlé de poids... Pour pas tomber non plus dans le phénomène du yo-yo, ben je pense qu'à un moment donné, on veut pas tomber là-dedans. Donc, on continue, on se rend compte que le mode de vie, il est sain en plus, puis on fait pas le syndrome du régime du yo-yo. Dans ton cas, Bianca, c'était quoi avant? Est-ce que est-ce que c'est un peu comme Marc? Non, pas du tout. Pas du tout? Moi, tout le long de mon secondaire, c'est volleyball, basketball, je jouais énormément, puis à 21 ans, j'ai eu un petit garçon. J'ai tout arrêté. Mon principal sport, c'est le divan. Je faisais vraiment rien. Puis un jour, j'ai une amie qui m'a lancé le défi de courir un demi-marathon. C'est l'année avant la première Spartan Race. Fait que je me suis entraînée pendant 8 mois, intensif, à aller courir une petite minute, marcher 2 minutes. Puis j'ai été faire le marathon... Le demi-marathon de Montréal, que j'ai fait mon meilleur temps, là, en 2h15. Le marathon, ça, c'est 40... C'est le demi, 21.1. Le demi, 21.1, OK. Oui, je pensais le faire en 2h45, j'ai fait en 2h15. Puis après ça, ben moi, je travaillais avec Mac aussi, donc j'ai embarqué dans le défi entreprise, puis on s'est lancé dans notre première Spartan Race. Puis soit dit en passant, lui, il a eu la piqûre la première course, mais moi, non. Non, Marc m'a suivi tout le long, me poussait, je pleurais, je disais que plus jamais je ferais ça. 3 semaines après, on se réinscrivait au double de distance. Puis avant, avant de vous intéresser à la course, là, vous aviez un mode de vie un peu différent. Puis qu'est-ce que ça a fait que le déclic dans ton cas, Marc, toi, tu as eu la piqûre, qu'est-ce qui a fait que tu as eu la piqûre tout de suite pour ce type de course-là? Ben, c'est dur à dire. En partant, quand tu as fait un cheminement de perte de poids, puis que tu avais, tu sais, j'avais commencé un entraînement aussi plus intensif en salle, genre musculation, si tu veux. Puis, il y a eu un effet aussi là-dedans de dire, ben, tu as le dépassement de soi, de dire, jusqu'où je peux amener mon corps à continuer, puis à me remettre en forme. Fait que ça devient un genre de défi personnel, puis tu veux toujours plus, tu veux toujours plus. Puis Bianca le souligne, parce que la première course qu'on a fait, ben, on embarquait là-dedans, puis au début, je me rappelle très bien, même dans les 10 personnes qu'on était, on entendait souvent quelques personnes dire, on va peut-être mourir là, puis on s'entend. On connaissait pas ça, les courses obstacles, on savait pas dans quoi qu'on s'embarquait. Fait que là, tout le monde partait, qu'on sera pas capable de surmonter ça. S'il faut, moi je le disais aussi, s'il faut, je vais la finir en rampant, m'a passé la ligne d'arriver en rampant à terre, mais je vais le faire pareil. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, moi j'avais une expression même que je disais, mon corps, il va faire ce que moi je décide qu'il va faire. Fait que ça me suivait un peu partout. Fait que ensuite, ben, quand on a décidé de doubler les distances, ben, c'était un peu le même mode d'esprit qui se répétait. Est-ce qu'il a suivi? Il a suivi. Oui, c'est moi qui décidais. Fait que c'est peut-être différent dans le cas de Bianca. Oui, la première course, elle l'avait trouvé difficile. Comme elle dit, je la poussais dans les côtes, je la tirais par moment. Elle est en train de tout descendre les seins du ciel juste avant le fil d'arrivée. Mais oui, après, il y a un genre de... C'est dur à expliquer le sentiment que ça fait, parce que c'est un sentiment d'accomplissement quand tu réussis à le faire. Puis là, ben, tu cherches à dire « Hey, c'est le fun. » On a vécu une expérience parce que oui, c'est le fun. Malgré que c'est difficile, il y a quelque chose... C'est pas explicable tellement de dire qu'est-ce qui fait en sorte que les obstacles nous... Tu sais, quand tu réussis à surmonter un obstacle, ben, à chaque fois, c'est un genre de défi personnel que tu as accompli. Ouais. Fait que ça, tu veux rechercher ce petit sentiment-là, cette petite flamme-là que ça allume, ben, tu veux le répéter puis le répéter encore. Fait que je pense que c'est ça qui motive. C'est-tu au premier obstacle que tu as réussi ou à la fin de la course qui a fait hey, « là, je viens de me dépasser ». La devise de Spartan Race, c'est « you know at the finish line ». C'est quand tu as ta médaille dans le cou. Parce que tous les finissants d'une course à obstacles, dans la majorité des courses à obstacles, ont sa médaille. C'est pas juste le premier, deuxième, troisième. On a toute notre médaille. De l'accrocher au mur chez toi, je t'en parle, j'ai des frissons. C'est l'adrénaline. Oui. C'est le dépassement. T'es fière. Tu mets ça sur Facebook. Là, tout le monde t'encourage. La première... Toi, tu disais que, Bianca, que la première course, t'as pas vraiment accroché là, mais la sensation quand même à la fin, quand t'as eu ta première médaille, elle devait être là. Oui, vraiment, mais la première course, comme Marc a dit, on savait pas du tout dans quoi qu'on s'embarquait. On n'était pas les bons souliers, pas les bons vêtements. Rien! Mais ça doit arriver régulièrement. Oui, vraiment, on en voit encore beaucoup dans les courses, des gens qui commencent la première fois, qui ont des souliers sans crampons, qui glissent dans la montagne, qui tombent. Qui... Ça doit pas aider. Non, vraiment pas. Ça doit pas aider à aimer ça. Puis c'est vraiment... Moi, en tout cas, j'ai vu les vidéos, je vois quand même qu'est-ce qui se passe, puis ça me fait peur. Moi, je vois ça, puis ça... C'est normal. J'ai l'impression je vais mourir en cours de route, un peu comme ce que vous avez dit. Mais c'est l'impression d'à peu près n'importe qui va vouloir commencer ça, qui n'a jamais fait, qui dit « OK, je me lève de mon sofa, puis que je m'en vais dans ça ». C'est normal. Là. C'est la première impression qu'ils vont avoir, jusqu'à temps qu'ils vont faire la première course. Ils vont surmonter, comme on disait tantôt, des petits défis, des petits challenges personnels. Ouais. Puis à un moment donné, rendu à la fin, même si peut-être pas tout de suite quand tu as franchi la ligne d'arrivée, parce que oui, tu as la fatigue qui embarque puis des choses comme ça, mais quelques heures après, peut-être quelques jours après, ben là, tu dis « Ah, gadon, c'était vraiment plaisant. Ça m'a permis de découvrir quelque chose que je pensais même pas être capable de faire. » Puis c'est à ce moment-là que là, oh, tout s'accumule. Puis tu veux en avoir d'autres de ces petits feelings-là. Ça a pris combien de temps à la deuxième? Entre la première et la deuxième course? Trois semaines? Environ, oui. Pour les deux? Bien, trois semaines d'écart entre les deux, je parle. Oui, oui. Okay. Vous êtes inscrit tout de suite à une deuxième? Oui, deux jours après. Deux jours après. Puis toi, Bianca, qui n'aimait pas ça, t'as suivi ou t'as dit « Ah, écoute, je vais réessayer? » Moi, en fait, ma première course, j'ai parti avec une mauvaise attitude. C'est dur, c'est difficile, c'est plate. Je me suis même trouvée pénible pour Marc. Et là, je me suis dit, le deuxième, c'est 13 km et plus. Mm-hmm. Je crois que c'est environ 15, cette course-là. Mm-hmm. Et à chaque fois que Marc va me demander ce que ça va, je vais dire, ça va super bien avec un sourire. Et c'était la plus belle course. C'est tu disais souvent aussi, je souffre avec le sourire. Je souffre avec le sourire. Ouais. Et boy, je vous regarde, puis vous avez déjà toute mon admiration pour ça, parce que... Ben, tu sais que tu es capable, toi aussi, là. Hey, genre, Mais sincèrement, là, je veux pas revirer le spotlight sur moi, mais j'en doute là tellement. Je me dis, justement, mon Dieu, ça éternue à quelque part. Il y a quelque chose qui vient de rentrer dans les ondes. C'est pas moi. On sait pas, mais il y a quelqu'un qui a éternué fort à côté des studios. Désolée pour les auditeurs. Mais pour revenir au sujet et non de l'éternuement, ce que je me dis, c'est que justement, j'ai un peu le principe de, un peu comme Bianca, où est-ce que je me dis, mais je serai jamais capable, ou où est-ce que mon mode de vie, oui, redevient un petit peu plus actif, mais quand même, je me dis, je vais me tousser les poumons, je vais les muscles, tout ça. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là qui un peu comme moi? À chaque début de course, les 10 premières minutes, je me tousse les poumons, puis je me dis, qu'est-ce que je fais là, même encore après 5 ans. Après 5 ans. Mais moi, ce que je dis, c'est fais-toi accompagner quelqu'un qui en fait déjà. Demande à quelqu'un, tu sais, de te supporter, de t'aider. Mm-hmm. Puis on le fait déjà avec certaines personnes. On amène des gens avec nous qui n'ont jamais fait de course dans des petites courses, parce que c'est pas juste les Spartan Race. Il y a des Total Bouette, il y a les modes plus familiales. Moi, ça se peut que la bouette, justement, ça se peut qu'on me l'ait. Je fais comme gâchose pas, laissez-moi. Tu sais, il y a les Northman Race là, qui sont arrivés cette année, qui sont vraiment accessibles à tout. C'est pas... il y a pas juste... Spartan Race, là. Puis ça demande quoi comme préparation? Ben, ça dépend, comme on dit physiquement, là. T'as des gens, mettons, comme toi, qui voudraient commencer. Mm-hmm. Ça demande pas une préparation en tant que telle. Des fois, ça demande juste une préparation, peut-être, de s'informer au niveau... Si tu veux commencer par un 5 km, ben, juste d'en parler avec des gens autour qui en font déjà, qui vont te dire, ben, attends-toi à telle chose, à telle chose, à telle chose. Mais si t'as pas de préparation physique avant... Ben, je veux dire, tu vas être capable de le faire, c'est sûr, tu vas trouver ça difficile. Mais après, tu vas savoir plus à quoi t'attendre. Mm-hmm. Puis pour les autres, tu vas savoir quoi développer justement au niveau physique, aptitude physique. Parce que oui, dans ces obstacles-là, t'en as que c'est purement du cardio. Tu sais, ça mêle de tout. Le cardio, c'est musculaire, c'est de l'agilité, c'est de la force. T'as tout ça qui se mêle ensemble. Fait que tu vas avoir des personnes qui sont plus fortes dans certaines aptitudes, t'en as d'autres qui vont avoir des forces ailleurs. Comme nous, justement, on arrive des championnats mondiaux. Ben, des championnats mondiaux, on a fait une course, justement, qui s'appelle Team Relay, qui était un relais en équipe. Okay. Puis c'était comme 3 portions de course. Puis chacune des portions, il y en avait une qui c'était vraiment la distance, la course, la vitesse. Un autre, c'était la force. Puis l'autre faisait l'agilité. Donc, les obstacles qui se trouvaient dans chaque portion étaient différents puis adaptés pour chaque personne. Fait que là, ben, c'était nous de déterminer c'était quoi nos forces dans lesquelles qu'on était sûr d'exceller le mieux. Fait qu'à ce moment-là, c'est un peu ça. Mais tu sais, tant que t'en as pas fait, c'est difficile d'essayer de se mettre en tête c'est quoi faut que je développe. À part si tu parles avec des gens qui en ont déjà fait, qui vont t'aiguiller un peu plus vers quoi t'aligner. Là. Puis pourquoi ce type de course-là plus qu'une autre? Ben, dans mon cas, moi, je pourrais dire. Regarde, je ne vais pas parler pour Bianca, mais moi, les courses sur Svelte, les courses comme les marathons qu'on connaît, les choses comme ça, même les 5 km, je suis pas un coureur de route, je déteste ça. Le focus en partant est pas pareil, mentalement, c'est pas pareil. Souvent, je dis, moi, quand quelqu'un me demande c'est quoi la différence, c'est quelqu'un qui va courir sur route, ben le focus peut-être va être plus, son regard va être à l'horizontale, va regarder loin devant lui, il va avoir de la musique dans des écouteurs, il va être, tu sais, t'es plus isolé dans ta bulle, c'est ça, t'es dans ton monde. Dans la course à obstacles, t'es dans ton monde aussi, sauf que ton focus n'est pas pareil parce que tes yeux sont constamment par terre, peut-être 10, 15, 20 pieds, tout dépendant de ce que t'as comme terrain, mais t'es tout le temps en train de réfléchir puis de corriger ce qui s'en vient devant toi. Donc, ça te permet pas d'avoir du temps de dire c'est long, hein, ça fait 2 km que je cours, c'est long. T'as pas le temps parce que le temps passe tellement vite, t'as toujours été en train de corriger dans ta tête ce qui s'en vient devant toi puis réagir que ça paraît encore moins long. Fait que tu vas courir 5 km sur route, ben, il va peut-être te paraître plus long mental, t'sais, au niveau psychologique. Qu'une course d'obstacles qui va passer en le temps de le dire. Mais dans ton cas, Bianca, qu'est-ce qui a fait que c'est plus ce style-là? Parce que tu courais déjà... C'est un choix de budget et de temps. OK. C'est sûr que moi, j'aime encore courir sur la route, hein, mais c'est à un moment donné, j'ai pas plein de fins de semaine. J'en ai pas plus que personne. Là, non, fait qu'il faut que je fasse des choix. Moi, ce qui a fait la différence, ce qui a fait que j'ai choisi la course obstacle, c'est la communauté de la course obstacle. C'est le réseau, les amis qu'on s'est fait là, c'est une famille. Tu te blesses dans une course obstacle, t'es crampé sur le bord, n'importe qui va arrêter, va te demander, t'es-tu correct? sur la route, là, ils passent à côté de toi, puis ils sont dans leur tête, ils sont dans leur bulle, ils pensent à leur temps. Moi, c'est vraiment la communauté. C'est rendu ma famille, la famille de course à obstacles. Puis, justement, t'en parles, les blessures, c'est-tu quelque chose qui est fréquent? Parce que ça peut rebuter plusieurs personnes aussi, de dire « Ah non, gars, moi, ça me... moi, j'ai peur des blessures. » Ben, faut dire tout de suite en partant, aussitôt que tu te lèves de ton divan, ça se peut que tu te blesses. Là. Tu peux, ouais. Juste cette semaine, là, on a eu du verglas, puis les deux jambes m'ont parti dans les marches devant chez nous. Fait que c'est pas obligé d'être une course pour ça. Fait que tu peux te blesser n'importe où. Moi, il y a 2 ans, j'ai fait une commotion cérébrale en allant travailler chez un de mes clients. J'ai tombé sur la glace. J'en ai pas fait en course à obstacle des commotions cérébrales. Non. Mais oui, t'as un taux de blessure parce que oui, t'as des terrains, tu sais, on le sait, c'est des terrains qui sont très, très accidentés. Oui, tu peux te blesser, tu peux te virer des chevilles, tu peux faire n'importe quoi. Oui, parce que c'est pas un sol qui est plat. Non. Donc, c'est sûr et certain, il y a toujours la recherche d'équilibre à chaque fois, j'imagine. C'est ça. Ouais. Puis il y a exactement. Aussi le fait que quand t'arrives, tu sais, un 5 km, c'est tel que tel, mais quand t'arrives dans les 21 km, Spartan Race, il plut parce que. Mm-hmm. Et une trentaine d'obstacles, mais là, c'est ton corps, des fois, qui lâche un petit peu. Tu sais, comme moi, cette année, les deux banglettes, après 10 km, il me restait 11 km à faire. Les deux genoux ne collaboraient plus. J'ai terminé ma course blessée parce que j'ai une tête de cochon incroyable. mais le lendemain, ça ne devait pas faire... Les 2 semaines qui ont suivi, là, ça a été pénible. Mais c'est ça. Tu sais, faut pas pousser non plus au-delà de ce que notre corps est capable. Là. Souvent, c'est... Alors, il faut savoir s'arrêter quand c'est le temps, mais des fois, c'est ça. T'sais, c'est le tempérament d'athlète. On veut pas. Des fois, on veut pas s'arrêter. Comme elle disait aussi, dans une course à obstacles, ben, si tu as 10 km de fait, tu es rendu dans le milieu de la montagne, des fois, c'est pas tout le temps évident d'avoir des secours, ben, une manière de te redescendre de là. Fait que tu te dis, je vais continuer tant qu'à être ici. T'sais. Mm-hmm. Fait que des fois, tu empires ta blessure. Fait que ça devient beaucoup aussi une question de réflexion personnelle, de dire, j'arrête-tu, j'arrête-tu pas, qu'est-ce que je fais? Mais il faut être honnête aussi. Là, moi puis Marc, on est accro aux médailles aussi. On veut la médaille au bout de l'année. On veut la médaille. Ouais. Donc, quand tu dis, ben, j'ai fait 15-16 km, il en reste 5, je suis blessée, je souffre, ça va me prendre du temps, mais je la veux, ma médaille. Mais vous êtes là, vous parlez de médailles, puis cette année, vous en avez fait beaucoup de courses, comme les dernières années aussi. Vous êtes rendu à combien? Est-ce que vous les comptez encore? J'ai dans notre garage, on a transformé notre garage en gym et on a 3 pôles à rideaux pleins. Donc, je les compte plus. Et c'est de la médaille. On les compte plus, mais on n'est pas rendu au stade où on les met dans une boîte, dans un tiroir, comme certains de nos amis qui en font peut-être non, des 50-60. C'est pas important non plus, leur médaille, là, qu'ils mettent dans la boîte, c'est terminé. Eux autres, c'est l'accomplissement, c'est les souvenirs. Moi, je suis capable de m'asseoir devant mes rangs à médailles et d'avoir une petite anecdote sur chaque médaille. Je me suis dit, je vais écrire une histoire là-dessus parce que je suis capable de toutes les nommer, sont toutes en ordre. Laquelle qui vous a le plus impressionné, championnats mondiaux. Championnats mondiaux, ça ressemble à quoi? C'est les meilleurs athlètes au monde. Il y avait 64 pays. Puis vous êtes allés? Vous étiez là comme participants? On s'est qualifiés tous les deux cette année dans une course dans notre groupe d'âge. C'est sûr que. On a fait 2 courses. Ouais. 2 types de courses, parce que tu as plusieurs types de courses que tu peux participer. Mm-hmm. Fait que nous, on a fait le 3 km individuel, puis ensuite, on a fait celle en équipe. Tu as d'autres sortes de types de courses aussi là-bas. Le 15 km. Le 15 km, puis tu en as un autre. Le Make-A-Wish, qui est accessible à n'importe qui. Mm-hmm. C'est pour ramasser des fonds, justement. Pour la fondation Make-A-Wish. Oui. Mais si tu veux une idée, c'est pas la même échelle, on s'entend, parce que c'est peut-être pas aussi immense. Mais le feeling que tu as là-bas des Jeux mondiaux, c'est pas compliqué, c'est comme aux Olympiques. C'est carrément les Olympiques des courses à obstacles. Donc là, tu as des gens qui parlent plein de langues autour de toi. Puis tantôt, Bianca a souligné le fait qu'en course à obstacles, ce qui est vraiment génial, c'est la communauté. Mais c'est drôle de voir que la communauté, peu importe où sur la planète, on est toutes pareilles. Tout le monde se parle malgré la barrière linguistique. On est toutes une belle grande famille, puis c'est vraiment génial. C'est impressionnant pour quelqu'un comme moi qui se considère pas... tu sais, des fois, les gens me disent « t'es une athlète ». Moi, je me considère pas comme une athlète, je me considère comme n'importe qui. Mais qui a une passion. Oui, qui a une passion d'être avec les meilleurs au monde. Mm-hmm. De se promener avec ton drapeau du Canada, de voir juste le speech de motivation qu'ils nous font au début, Coach Payne, qui est un motivateur aux États-Unis incroyable. Je pense qu'il vient des États-Unis, oui. Me semble, oui. Puis, qui nous coach, qui nous fait un... Moi, j'ai pleuré à la ligne de départ. Oui, oui. Parce qu'il m'a regardé dans les yeux, puis quand il m'a vu pleurer, il m'a dit « I love you ». C'est comme « Oh, wow ». Tu sais, t'es au championnat du monde, là. Oui, c'est la réalisation aussi, ouais. Quelque chose. Puis ça, pour y participer, il faut avoir quoi, X nombre de courses? Il faut se qualifier selon notre, soit dans les pros, dans les 3 premiers, 5 premiers, 10 premiers. Chaque course a sa qualification, a son créneau de qualification. Créneau, c'est là. Ça. Donc, moi, je me suis qualifiée à la Northman Race dans mon groupe d'âge. J'étais arrivée deuxième dans 40-49 ans. Donc, j'ai pu avoir ma qualification. Marc, lui, c'est dans une Spartan Race. Ouais. C'est qualifié deux fois. Dans une Dead End Race. Fait que c'est ça. T'sais, tu regardes parce que tu es capable d'aller voir sur le site des championnats mondiaux qu'est-ce que ça prend parce que toutes les courses sont indiquées. Puis dans chaque course, ça te dit il faut que tu sois, mettons, dans les 5 premiers ou 10 premiers de tel groupe d'âge ou de telle catégorie. Puis à ce moment-là, tu le sais, toi, quand tu t'en vas faire des courses, si tu veux te qualifier, tu sais quoi faire. Tu te dis j'ai pas le choix. Il faut que j'ouvre la machine à telle place ou. Puis des fois, ça se passe comme moi, c'est arrivé un peu par hasard aussi. Parce qu'au début, on pensait même pas se rendre là. Fait que c'est en se qualifiant que là, tu te dis « Ah, on peut y aller? Pourquoi pas? » Puis c'était encore dans notre cours, parce que ça faisait 2 années de suite qu'il était au Canada, en Ontario, à Blue Mountain. L'année prochaine, c'est à Londres. Est-ce que vous y allez? Non. Non. On va peut-être aller aux Jeux mondiaux, parce qu'il y a les Jeux mondiaux, je pense, les Nord-Américains, là. Au Vermont. Mais ça, on ne sait pas trop si on. Je pense pas qu'on va aller à Londres cette année. Plusieurs amis qui y vont, là. Je suis bien content pour eux. Il y a une question de coût aussi, à un moment donné, quand embarque en ligne de compte. Oui, parce qu'il y a des coûts à défrayer à chaque course. Chaque course. Puis, je vous ai entendu parler des qualifications selon l'âge. Justement, parlons-en de l'âge, c'est de quel âge à quel âge à peu près? Est-ce qu'on est mieux d'y aller plus jeune, plus vieux? Est-ce qu'on va avoir recommencé? J'aurais commencé jeune, là. Ouais. Sérieusement. Mais il y en a de tous les âges. Il y en a de tous les âges. Il y en a de 13, 14, 15 ans. Il y en a de 60. On a des amis qui ont 60 ans qui courent. Il y a beaucoup, beaucoup de gens très en forme dans des âges. Comme moi, je vais avoir 50 ans bientôt. Je vais avoir 47 ans exactement l'année prochaine. Mais j'ai des amis là, de 60 ans, justement, dans nos amis proches, là, que tabarouette, c'est des méchants top performers. Là, C'est des machines. C'est le mot qui me vient. C'est ça. Fait, tu regardes ces gens-là. Moi, je regarde ces gens-là. Ça devient des idoles. Puis eux autres, ils se trouvent pas. Ils disent, voyons, prends-moi pas comme ça. Non, pour moi, t'es une image. T'es une raison que je peux pas me dire, moi, non, c'est dur, non, c'est ici. Oui, c'est dur, c'est sûr, mais je suis capable. C'est ça, je suis capable. Si toi, tu le fais, moi, je suis capable aussi. En fait, l'âge n'a même pas... Non, c'est pas une question d'âge. C'est même pas une question d'âge. Là. Peu importe l'âge que... Ah, là, vous venez de briser des tabous. Si tu étais assis sur ton divan aujourd'hui, tu écoutes ça, parfait. Tu te dis... C'est pas une excuse, l'âge. Absolument non. Pas. Le poids n'est pas une excuse. Oh, moi, une fois, on a vu des gens de 300 livres au championnat du monde. Faire la course Make a Wish. Mais vous venez vraiment là, de détruire des préjugés du, comme je vous ai dit aussi, en dehors des ondes, on a l'image des gens qui font les Spartan Race, admettons, qui sont découpés au couteau, qui vont y aller, qui font que ça, qui pensent. On a l'image à peu près, je ne sais pas si vous vous rappelez le film avec Marie-Lise Pilote où est-ce qu'elle cherche l'homme idéal, puis on a Jean-Marie Lapointe qui ne fait que s'entraîner tout le temps. Puis c'est comme, on dirait qu'on a cette image-là. Puis là, vous arrivez en disant, il y en a qui peuvent avoir 60 ans, il y en a qui peuvent peser 300 livres. Hein? C'est pas compliqué. Il y en a de tous les âges, il y en a de toutes les formes. Puis il y en a de toutes les, on pourrait dire, les capacités physiques. Il y a des gens, il y a Sam Will, lui, il fait la chaise roulante avec son équipe de 10 personnes. J'ai vu des gens avec des prothèses aux jambes. J'ai vu des gens avec... des prothèses au bras. J'ai vu des gens pas de jambes dans des courses. Alors, on n'a pas d'excuses, là. Non, il n'y a pas d'excuses. Les excuses, justement, c'est si ça ne te tente absolument pas de faire quelque chose, c'est ça. Moi, je m'excuse. Là. C'est bien plate pour les gens qui nous écoutent, qui pensent qu'avoir toutes les meilleures raisons du monde pour rester assis sur leur divan, mais non, il n'y en a pas de raison. Tout le monde est capable d'accomplir tout ce qu'ils veulent. T'sais, moi, j'ai découvert l'année dernière, je fais de l'asthme à l'effort. C'est pas une excuse, j'en fais pareil des Spartan Race puis des courses à obstacles. C'est juste de voir son médecin, de se renseigner, de prendre des précautions avant, mais sinon, ça reste que, à moins qu'on veuille se qualifier comme vous, avec des temps records, tout ça, reste que c'est vraiment un défi personnel, même si c'est en gang. C'est ce que je comprends. T'es pas obligé aussi comme de faire ce qui te tente pas. Surtout quand t'es inscrit dans Open, il y a des pénalités, comme Spartan Race, c'est des burpees. Il y en a d'autres, c'est des loops de pénalité, des petites distances, des distances d'extra courir. Mm-hmm. Mais jamais personne va t'obliger à faire quelque chose que tu veux pas dans une course, à moins d'être en compétition. Oui, puis c'est autrement dit, n'importe qui peut s'inscrire, puis on fait ce qu'on a à faire. C'est parce que chaque course, souvent, a des catégories quand différentes. Quand on est en compétition. C'est ça, parce que tu as une catégorie élite, tu vas en avoir une compétitive, tu en as une qui appelle Open, qui est vraiment ouverte à tous. Fait que comme les gens, mettons, comme toi, qui décideraient de commencer, bien, c'est sûr que tu t'inscris pas dans la compétition ou dans élite, parce que tu vas peut-être trouver ça tough. Ça se peut parce, que non. Non, parce que les différences sont là, c'est que bien souvent, malgré... Les obstacles sont obligatoires. Malgré qu'il n'y a pas d'arbitrage systématique qui est parfait nulle part pour ça. Mais oui, tu vas avoir des choses de pénalité, que là, tu es plus surveillé, que oui, il faut que tu les fasses. Contrairement à une vague open, comme Bianca disait, bien que là, tu es pas tenu de le faire nécessairement. Tu vas passer à côté de l'obstacle. Tu vas l'essayer parce qu'il y a quand même un genre de défi à surmonter personnel. Oui. Tu l'essaies, mais si tu veux pas passer trois heures là à essayer, puis essayer, puis essayer, ben tu passes à côté, ben, puis tu t'en vas. C'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, tu peux te décourager, puis plus revenir aussi. Ben, à un moment donné, il faut... Si je peux donner l'exemple, oui, exactement, mais moi, ça fait cinq ans... Marc avait l'air à dire non, c'est pour ça que je le voyais. Non, ben, ça dépend, on a peut-être la vision différente. Je pense que l'attitude de chaque est différente. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut se décourager, mais en même temps, de l'essayer. Moi, ça fait cinq ans, je viens de terminer ma cinquième année de course à obstacles, et il y a plein d'obstacles encore que je ne passe pas. Ah non? Que je ne suis incapable de passer. Donc, la corde dans les Spartan Race, monter la corde, je la monte pas. Ah non? Pourtant, ça fait cinq ans que je fais ça, j'étais allée au championnat du monde, mais je la passe pas. Mais une de tes belles réalisations, c'est-tu cette année, les Monkey Bars? Non, les Monkey Bars, c'était un bel exemple. Elle avait des difficultés, elle avait peur de tomber. Ça, c'est l'échelle d'un zère. Oui, c'est ça. Oh boy. Oui. Bon, vois-tu? Puis cette année, ça a sorti, on le sait pas, même moi, elle m'a surpris. Elle s'était lancée pour l'essayer. Mm-hmm. Puis Gado, elle l'a fait au complet, d'une traite, sans arrêter. Puis assez que j'étais au bout, puis j'ai lâché une niaiserie. J'ai dit, ben qu'est-ce que tu fais là? En voulant dire, ouais, elle m'a tellement pris par surprise que j'ai réagi comme ça. T'sais. Mais non, elle l'a fait. Puis depuis ce temps-là, je pourrais dire qu'elle n'a pas trop de difficultés. Là. Mais... Ah, vous êtes impressionnant. Ben, on fait. Mais vous êtes humain au travers de ça. C'est ce que vous démontrez. C'est que tout le monde peut le faire. Oui, puis d'année en année, la première année, ça ne veut pas dire qu'on était comme ça non plus. Là. Ouais. Encore une fois, c'est à force d'en faire, à 20-25 courses par année peut-être, ben là, tu viens que tu t'améliores sur certains obstacles. Tu sais, il y a souvent des gens qui vont demander. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, mettons, tel obstacle ou tel... Bon, ben oui, il y a une portion qui devient de l'analyse. Des fois, tu arrives à un obstacle, c'est ça. Parce que c'est 50% de la technique, puis 50%, je dirais pas de la chance, là, mais tu sais, 50% à toi, tes aptitudes physiques aussi. Des habiletés, oui. Des habiletés que tu as en partant. Il y en a qui sont super forts du haut du corps, que ça va les aider, mais je veux dire, il y a une question technique aussi pour essayer de sauvegarder le plus d'énergie possible. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'affaires qui rentrent en ligne de compte que tu sais peut-être pas dans les premières courses que tu fais dans ta vie de coureur, mais que tu apprends au fur et à mesure, puis qui vont te suivre. Tu vas faire part au monde, là, ben non. Avec ta technique et tout. Non, je penserais pas. On va revenir. Tiens, on va prendre une pause, puis tu reviendras sur ta technique. J'aimerais ça qu'on... Non, mais on fera pas peur au monde. Mais non, moi, ça me donne le goût de me lever les fesses du divan, puis de me lever aussi de devant mon ordinateur. On va arrêter de travailler des fois, puis on va... Comme dirait mon collègue de Pas de temps à perdre, on va s'épousseter le fond de culotte. OK. Bonjour à Jean Nadeau en passant. On s'en va en pause et puis au retour, on va en parler justement des techniques. À tout de suite. Vous êtes de retour à l'émission Les Différents jusqu'à 10 heures. Et puis, toujours Mélanie Fleurant à l'antenne avec vous et mes invités Marc Desgagnés et Bianca Turcotte qui sont des pros. Moi, je le dis bien fort, ça rit. Des pros des courses à obstacles. T'es fine. Ben, écoute, quand vous en faites 25 d'une année puis que l'année n'est même pas encore finie, je pense que je peux vous considérer pro. Alors, on va te faire rencontrer nos amis qui en font 60. Tu vas voir qu'ils sont encore plus pros que nous, peut-être. Ah, c'est plus qu'un par semaine, oui. Là. Oh, oui. Là, t'as fait peur aux gens, selon tu Bianca. Avant la pause, quand t'as parlé de la technique, tout ça. Là, on ne veut pas faire peur aux gens. Puis qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'es? Explique-nous les techniques. Je vais te donner un exemple concret qu'on retrouve dans des courses. Puis quand je dis technique, ça, c'est aussi une question. Quand t'es coureur et tu commences, ben tu fais des courses, tu découvres des choses, puis tu y vas selon tes capacités. Mm-hmm. Fait que tout le monde est capable de finir la course. Si tu as quelque chose qui est trop difficile, tu vas passer à côté, puis je veux dire, c'est pas grave, là. Mais si tu as une fibre moindrement compétitive en toi, ben tu vas voir que ça va développer autre chose qui va dire « Ah, ben non, telle chose, je n'étais pas capable de le faire, mais je veux être capable de le faire. » À ce moment-là, tu vas te mettre à étudier ou à parler avec d'autres gens pour dire « Ben tel obstacle, je suis pas capable. Comment qu'on fait ça? C'est quoi la méthode la plus facile pour essayer de le faire? » Fait que quand je dis technique, c'est un peu ça. C'est que monter une corde, m'en prendre la corde par exemple, parce que c'est une corde qui est droite à la verticale, d'environ une corde de bateau là, qu'on parle, là, qui est environ peut-être en 10 puis 15 pieds, tout dépend. Mais mettons une quinzaine de pieds, qu'il faut que tu montes, simplement. Là, il y en a qui réussissent à monter ça seulement avec la force de leurs bras. T'en as qui s'aident avec des techniques, justement, quand on parle de techniques, c'est des techniques de façon de bloquer la corde avec tes pieds et tes jambes pour te servir de tes jambes pour pousser, ouais. Pour monter en haut. Fait que c'est un peu ça, c'est que la première année que t'arrives, tu dis « Comment je fais pour monter en haut une corde comme ça? » Fait que là, tu sais pas, t'essayes, tu sautes dedans, t'essaies de te tirer avec tes bras, t'as pas la force nécessaire, tu gaspilles une énergie fou, ben oui. Ça vide. Fait que c'est un peu ça, d'année en année ou de fois en fois, tu découvres ou tu t'informes sur des techniques, comme je te disais, comment bloquer la corde, mettons, en technique de J pour te permettre de pousser avec tes jambes au lieu de tirer avec tes bras, gaspiller moins d'énergie comme ça, puis avoir plus de facilité à l'accomplir. Après ça, une fois que tu l'as, puis tu la maîtrises ou tu la parfais, ben ça devient facile. Fait que c'est plus ce côté-là, je parlais au niveau des techniques. Mais vous autres, c'était là, ça fait quoi? Ça fait 5 ans, Bianca, tu me disais? Ça s'est pas appris la première fois. Ça, c'est en répétant les obstacles. C'est-tu toujours les mêmes obstacles que vous voyez ou il y en a qui vous surprennent encore? Oui. À Spartan Race, c'est majoritairement toujours les mêmes obstacles parce que les autres ont comme philosophie de dire tu vas t'améliorer de fois en fois. Fait que c'est toujours majoritairement. À chaque année, on nous réserve peut-être un nouvel obstacle, mais c'est toujours les mêmes. Par contre, dans toutes les autres courses, comme exemple Northman Race, qui était mon coup de cœur cette année, qui est une course un peu homme des bois. Okay. Oui, c'est ça, exactement. Lancer de la hache. Ah oui? Un gros godard d'or géant, que c'est des murs qu'il faut passer en dents de scie. Vraiment, là, il y avait un... Ah, mais ça a l'air le fun. Là. Vraiment. C'est mon coup de cœur cette année-là. C'est un ami à nous, Marc-André Bédard, qui est un ancien Olympien, d'ailleurs. Qui a parti ça, un petit gars de Québec. Mais oui. Puis c'est vraiment une course qui est agréable à faire, mais on ne sait jamais. Marco nous réserve toujours des nouveaux obstacles, toujours quelque chose de nouveau. Fait que oui, c'est des surprises à chaque fois. Fait qu'on Marco était un coureur assez chevronné, lui aussi, puis un des top élites aussi, ben, reconnu. Il était champion du monde de Spartan Race l'année dernière. C'est ça. Fait que, tu sais, Marco, la philosophie justement du coureur en partant, fait que lui, en étant directeur de course maintenant, ben en établissant les courses, il fait un peu la course comme lui aimerait la vivre. Ouais. Fait qu'il la fait vivre aux autres comme ça aussi. Fait que c'est ça qui est très, très, très plaisant. Je dis pas que c'est pas le cas dans d'autres courses parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits de course. Mm-hmm. Puis je veux dire, en général, elles sont toutes super intéressantes. Ils ont toutes leurs petites particularités. Fait qu'on trouve de tout partout, là. Mais il y en a plusieurs types. Ouais. C'est ça. C'est vraiment Spartan Race qui ressort, qui est qu'on connaît le plus. Ouais. Ouais. Sont les premiers? C'est à peu près les premiers qui sont arrivés au Québec, là. Puis aux États-Unis et un peu partout. Puis là, ça explose partout. On en entend. Ben Spartan, c'est plus ça. C'est plus passer des pionniers un peu dans les courses obstacles. Mm-hmm. C'est eux qui ont amené le concept, si tu veux, d'une certaine façon. Puis les autres, après, ben, ça a fait des petits. Oui, puis il y en a beaucoup aux États-Unis là, que nous-mêmes, on n'a jamais essayé. Les Tough Mudder, les Savage Race, les. Écoute, il y en a. Puis c'est laquelle la course de rêve? oh boy, la course de rêve. Que vous avez jamais fait, puis que vous dites, hey, moi, là, oublie les finances, Hawaii. Tout ça. Hawaii. Hawaii, le Trifecta Weekend. Le Trifecta Weekend, c'est Spartan Race qui fait ça. Okay. C'est-à-dire que quand tu cours tes trois courses, le 5, le 7, le 5, le 12 et le 21 km, tu as une médaille, ben trois pointes de tarte, rouge, bleu, vert, qui fait ta trifecta. Fait une médaille spéciale. Puis là, tu peux avoir deux trifectas dans ton année 3, trifectas dans ton année 4. Tu as toujours des médailles différentes. Ben, c'est un week-end, c'est sur trois jours, très souvent. Hawaii, c'est sur deux jours. Deux jours, ah oui, c'est vrai. Hawaii, tu fais les trois courses sur deux jours. Fait que ça, c'est un rêve d'aller à Hawaii, première des choses, courir les trois Spartan Race en deux jours, là. Puis tu vis ça dans un autre sorte d'environnement que tu n'es pas habitué. Dépayse beaucoup. Fait que ça, c'est juste un, pour le décor. C'est oui. une chose qu'on met sur notre genre de petite liste, to-do list à faire. Ah oui, vraiment, vraiment. Puis bientôt, là. Justement, ça ressemble à des gros parcs pour enfants. Mais oui. Est-ce que ce serait une bonne manière peut-être d'inviter les gens à voir ça au lieu de voir une gang de monsieur et madame muscles qui est un préjugé qu'on l'a vu tantôt, vous l'avez mm-hmm. dit, c'est pas que des... Tu sais, il y en a de 60 ans, il y en a 300 livres. On a enlevé ce préjugé-là, mais si on enlève aussi le fait que ce n'est que de la performance... c'est un gros terrain de jeu pour enfants, mais des grands enfants. C'est absolument aucunement que de la performance. Je peux te le dire, là, à part élite compétitif. Le mm-hmm. reste, là, c'est redeviens un petit gamin de 10 ans dans ton parc, à passer les monkey bars, t'agripper partout, courir, lâcher ton foot, lancer de la boîte des fois en équipe. Ou... Mais c'est ça, tantôt, on disait en dehors des zones, tu peux avoir des produits de course qui sont différents aussi. Comme les Spartans, souvent, il y a des gens qui vont trouver ça, même si c'est le 5 km qui est on va dire la plus facile manière mm-hmm. de parler. Ben, si je prends le 5 km qui se fait à Stoneham ici, à Québec, le 5 km, c'est Stoneham, c'est une montagne qui n'est pas nécessairement super haute, mais qui est très, très, très abrupte. Ouais. Fait que ça demande quand même des efforts physiques assez considérables pour grimper. Juste grimper, là, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, si tu veux introduire des gens à la course qui sortent de leur sofa ou qui veulent essayer ça, ben, ou de juste découvrir quelque chose pour avoir du plaisir en premier, ouais. ben, on les oriente vers d'autres sortes de courses. Comme nous avec Motion Nation, qui est un peu notre petit groupe pour initier les gens à ce type d'activité-là, ben on va les amener avec nous dans des groupes qu'on fait pour participer, exemple, à la Total Bouette. Total Bouette, qui est une course qui sert à amasser des fonds pour la Société de la sclérose en plaques, justement, qui est à toutes les années au mois d'août, mm-hmm. Qui est une super, super, super belle course qui est pilotée par Mélodie de l'Espérance, qui est devenue une amie, d'ailleurs. Puis, je veux dire ça, là, c'est un produit de pur plaisir parce que c'est sur le plat. Il n'y a aucun dénivelé de montagne, il n'y a rien. Ouais. Puis, c'est des obstacles, de la boue, en veux-tu, en voilà. Fait que l'élément là-dedans, justement, de retomber en enfance, puis, tu sais, comme tu disais, de se sentir dans un parc quasiment d'amusement pour enfants, ben ça en est un, là. Tu peux pas avoir le sourire quand tu sors là. Puis ça, c'est variable. Là, je comprends qu'il y a différentes courses. Il y en a des plus petites, des plus grandes, tout ça. Mais la moyenne, à peu près, pour c'est quoi? C'est combien de temps que ça dure? Non, mais en durée, oh, environ. Mon Dieu, c'est chacun. Écoute, moi, le Total Bouette, je l'ai fait en 40 minutes tout seul dans le compétitif le matin. Mais l'après-midi, ça nous a déjà pris 2 heures à la faire en gang, à se tirer de la boîte, à se rouler dans le bout. Ouais, ben là, ça ralentissait. C'est ça. Puis à juste avoir du plaisir, à s'entraider. Aider les gens aussi qui sont avec nous, qui ne sont pas capables de passer les monkey bars. Embarquer quelqu'un sur mes épaules pour qu'elle puisse passer les monkey bars. La tenir, l'aider à passer des murs, se soulever. C'est toutes des choses comme ça. Puis, là. Même à ça, si tu prends des courses où on performe un peu plus, comme je vais revenir avec, mettons, même des X-Men Race, les Spartan Race, des choses comme ça, ben même si tu prends un 5 km à un endroit... Ben, tu peux pas calculer. C'est difficile d'avoir un pace, on appelle ça un pace, là, si tu veux, ou un temps qui est pareil, qui va être identique. Tu dis, mettons, un 5 km, je fais ça à 1h15 ou quelque chose mm-hmm. comme ça. Non, parce que ça dépend de l'endroit où ça se fait. Il n'y a pas un parcours qui est pareil. D'une année à l'autre, il change un petit peu. Donc, ça vient un peu varier. Je te dis pas que ça varie mm-hmm. de 2 heures, mais tu sais, ça varie là, sur ton temps final. Fait que c'est difficile de mettre un temps officiel sur chaque course, là, chaque type de course. Y en a-tu l'hiver? Oui. Oui. Ah oui. Marc déteste le froid. Tu ne verras jamais courir l'hiver. Moi, j'en ai fait deux l'année dernière. J'ai fait la course de Cupidon à Thetford, de la course des Cadieux. Là. Il y avait une trentaine de personnes. C'était ils commençaient, c'était leur première année. J'ai vraiment été courir dans la neige. J'ai eu du plaisir. C'est quoi l'équipement? La différence? Ben, là, c'est sûr, il fait plus froid qu'en plein été ou en pleine canicule. Là. Ouais. Mais l'équipement, est-ce que c'est un poids de plus à penser? Oui, c'est sûr que c'est un poids de plus. C'est difficile de passer des obstacles avec des mitaines. C'est froid. Mais c'est vrai, oui, t'es pas en espadrille dans la neige. C'est des multicouches. Moi, l'année dernière, je n'ai fait deux. C'était la première fois. Cette année, je m'embarque dans un gros défi, là, le 26-27 janvier, je crois. Je vais faire une course blackout. Les blackouts, c'est course et crossfit en même temps. Okay. C'est des épreuves de crossfit. De 24 heures en équipe de 4. Donc, je vais être dans la neige à Rigaud pendant 24 heures. T'as toutes mes sympathies. Mais comment on se prépare, justement? J'ai aucune idée. Je suis pas équipée. Par contre, j'ai une belle équipe. Là. On est une vingtaine là, environ de notre gang à y aller. J'en ai qui sont très expérimentés. Ça fait que là, j'apprivoise un petit peu le fait d'aller courir dehors. Oui. J'apprivoise aussi quel équipement je vais devoir m'acheter. Ben c'est ça. Je suis un petit peu perdue, honnêtement. Je pourrais même pas te dire exactement quoi, qu'est-ce que je vais avoir besoin. Ou... Est-ce qu'il y a des... À savoir, y a-tu des bottes? Qui sont non, au lieu des espadrilles. OK. Des bons bas de laine. On se met-tu des crampons après ça? Il y en ils ont avec déjà? Des crampons. Il y en a avec des crampons de métal. Il y en a pour l'hiver, des espadrilles. Mm-hmm. Comme je te dis, je suis un petit peu perdue là. Présentement, je récolte les infos pour savoir qu'est-ce qui va être le plus adapté pour moi. Parce qu'en 24 heures aussi, on ne court pas pendant 24 heures, ça relaie. Je vais devoir me changer. Je vais avoir chaud. Je ne peux pas retourner dehors mouillé. Non. C'est ça, c'est toute une organisation, là. Je pourrais t'en reparler quand je vais l'avoir fait parce que ça va être tout un défi. Puis on s'entend qu'au mois de janvier, on peut avoir du verglas, on peut avoir du beau temps, mais on peut avoir du moins 40. Ben oui, c'est le mois le plus froid habituellement. Oui. Là, c'est considéré le mois le plus froid. Donc, c'est sûr et certain qu'on peut s'attendre mais à cette folie-là des courses, ça l'arrête jamais. En tout cas, dans mon cas, là. Mais c'est toujours de découvrir, c'est ce que je trouve beau chez vous, c'est que c'est toujours de découvrir des nouveaux obstacles, des nouvelles courses, des nouvelles façons de faire, des nouvelles techniques, hein, Marc? Mais oui, exact. Faut que tu les apprivoises. Mais c'est ça que je trouve le fun, c'est vraiment, là, vous êtes comme des deux enfants qui essayaient de trouver. Mais en même temps, ça. C'est comme on disait tout à l'heure, tu n'en fais une, puis en général, même les gens qu'on a fait, on en a des gens là, qu'on a comme motivés, c'est oui, sûr, de notre certaine façon. Oui, on a un couple d'amis, entre autres, là, qui performent. Salut à Alain et à Sylvie, en passant. Ils doivent nous écouter. Ils doivent nous écouter en ce moment, mais c'est Alain et Sylvie, justement, qui sont un couple à peu près dans nos âges, qui venaient au gym avec moi, puis avec nous, puis qui nous regardaient faire, puis qui disaient la même chose que ben du jamais monde. Vous êtes donc bien hot, jamais je serais capable de faire ça. Puis à un moment donné, non, pourquoi tu serais pas capable? Fait qu'on les a fait découvrir justement la totale bouette. Ouais. Ils ont essayé ça avec nous. On a eu un fun absolument infernal. Puis après ça, ben là, ils sont rendus dans des courses. Ils ont découvert Sylvie, la Northman Race. Sylvie, la dernière Northman Race dans sa catégorie d'âge. Fait qu'elle a la médaille de troisième position. Tellement qu'elle s'en attendait pas. Elle est même partie du site avant. Avant le podium. Avant le podium. Donc, c'était très, très drôle. C'était loufoque. Oui. Elle a été chercher sa médaille. Marco Bédard a tenu à y remettre en main propre. C'était super. Fait que, mais tu sais, ça donne une idée que ces gens-là, justement, se découvrent. On fait pas ça pour la médaille dans son cas, là. Non, mais même à ça, ça prouve ce qu'on disait. C'est que ça va toucher quelque chose en dedans que tu ça va te dire que tu es capable de le faire. Puis après ça, ça devient tu veux en faire d'autres. Tu veux voir où est-ce que tu es capable d'amener ça, tu sais, en tant qu'athlète ou en tant que personne là, que tu peux te dépasser. Là. Mais ce que j'entends, là, vous me direz si je me trompe, mais je pense que ça fait du bien, pas juste physiquement. Oh, je pense que ça fait du bien vraiment. Au niveau plus psychologique, au niveau mental, ça doit... toutes les frustrations qu'on a, ça se peut qu'on choque après les monkey bars, ça se peut qu'on choque après la corde, mais qu'on va le faire, puis c'est là que ça va sortir. Ça me donne cette impression-là. Est-ce que je me trompe? Moi, dans mon cas, l'exercice, l'activité physique, les courses, je l'ai un peu commencé pour ça. Moi, étant un tempérament très anxieux, ça m'aide énormément à canaliser mon énergie. Sérieusement, ça a changé ma vie. de juste aller au gym m'entraîner, faire les courses. Ça demande-tu d'aller au gym? Parce qu'il y en a beaucoup. Là, on s'en va vers le temps des fêtes. Après ça, en janvier, les gyms vont être pleins à craquer, un peu comme au mois de septembre. Mais janvier, c'est assez incroyable. Est-ce que ça demande cette préparation-là? Parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les gyms, mais qui aiment aller s'amuser dehors. Moi, honnêtement, quand j'ai commencé, j'ai sorti avec ma vieille paire de running, mon jogging de chez Ardennes, puis j'ai été courir. Oui. Puis ça m'a rien coûté. Puis je l'ai fait pendant 8 mois. Après ça, c'est parce que moi, c'est devenu une passion. Là, j'étais chanceuse. Moi puis Marc, on est devenu un couple grâce à cette passion-là. C'est ce qui nous a réunis. Je suis vraiment très choyée. Fait qu'on va au gym ensemble. On a fait les 4 premières années de course à obstacles, on les a fait ensemble. L'année dernière, on s'est challengé différemment là, parce que moi, ma commotion me retardait un petit peu. Marc, lui, un peu plus vite que moi. Les hommes sont souvent un peu plus vite. J'y ai dit, vas-y, pousse-toi, va voir ce que tu es capable de faire toi-même tout seul. Les hommes sont plus vite parce qu'ils ont des plus grandes jambes. Je pourrais faire une face plate, mais je vais la garder. Elle me fait des gros yeux, mais bon, la vite. Non, mais honnêtement, c'est pas tout le temps vrai, parce qu'il y a des femmes qui sont très, très rapides aussi. Ils sont rapides, ouais. Ouais, oui. Chacun soit dit, sa force. Chacun ses c'est forces. Puis même que les hommes, c'est prouvé qu'en général, au niveau de l'endurance, sont moins endurants que les femmes. Les gars, à cause de notre masse musculaire, souvent, vont nous drainer de l'énergie beaucoup plus rapidement que les femmes. Mais en général, comme je te dis, dans un cas comme dans l'autre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de performeurs qui sont très, très, peu importe le sexe, là, qui sont assez des machines, comme on disait tantôt, dans tous les sens. Je veux juste revenir sur une chose qui était que Bianca l'a soulevé tantôt, du fait qu'on fait ça en couple. Ça, c'est une chose là, que je tiens à dire. S'il y a des gens, des fois, qui demandent comment qu'on fait, puis c'est difficile, parce que nous autres, on en a beaucoup des amis là, dans la course à obstacles. Mettons, ils sont tout seuls, leur conjoint ne les suit pas parce que c'est pas la même passion. Puis ils nous regardent, puis c'est une des affaires qui triplent de voir, de dire, vous autres, là, si vous saviez quelle chance vous avez de faire ça ensemble, ça nous permet d'avoir des beaux week-ends comme en amoureux, de partir, d'aller à chaque place qu'on va, là, dans le fond. C'est un week-end en amoureux. Là. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui vivent pas ça. Fait que, dans ce temps-là, quand tu réussis à avoir cet élément-là ensemble, mais c'est le fun, puis ça aide à continuer aussi. Je comprends des fois que quand t'es séparé, que t'as pas les mêmes passions, ça coupe un peu dans les fins de semaine. Là, tu dis que je peux pas participer tout le temps, il faut que je donne un peu de temps à l'autre aussi. Oui, puis c'est pas une obligation non plus que les deux aient la même passion. Là. Non, mais non. C'est mais dans votre mais cas, c'est comme ça aussi que vous vous êtes rencontrés. Oui. Par la force des choses aussi, vous travaillez ensemble, puis... En plus, vous avez développé la même passion, chacun de votre côté, tu sais. Ouais. C'est ça. Puis, en terminant, parce qu'il nous reste quand même pas grand temps, c'est comment on veut... c'est quoi l'équipement de base, si on veut se démarrer là-dedans? Si on veut essayer une première, puis on veut pas investir là, des prix de fou, mais on veut pas non plus se péter la gueule, comme on dit en français. Deux conseils que je donnerais aux gens. Les espadrilles à crampons. Ça, c'est ça, on les trouve... D'être expert, expert, le courant nordique, la boutique du lac. Puis les coûts à peu près, de base. C'est quand même assez dispendieux, mais des fois, tu vas en fin de saison ou tu achètes le modèle de l'an passé, ça fait très bien, mais c'est sûr que nous, nos espadrilles, c'est 150 $ une bonne paire, mais ça nous fait longtemps. Tu sais, on grandit plus, nous. Ben non. Deuxième conseil que je donnerais aux gens, là, c'est de se renseigner. Quand on part dans une course, exemple, j'en ai tellement vu... « Ah, je vais aller faire le 12 km Spartan Race, je cours 12 km dans la rue, je pars sans gel énergétique, sans être bien hydraté, sans rien à manger. » Puis là, on les voit sur le bord, étourdis, quasiment en train de perdre connaissance. Puis c'est nous qui est équipés, qui leur donne des gels pour essayer de supporter. Se renseigner un petit peu. C'est quoi ces gels-là? C'est des gels de glucose. Okay. C'est du glucose mêlé avec un peu d'autres choses dedans, des électrolytes, des choses comme ça pour aider justement ton corps à se réhydrater pendant ta course. Un genre de Gatorade amélioré. Ouais, si tu veux, dans un certain sens. Tu as toutes sortes de concentrés différents, tu as toutes sortes de produits différents aussi. Moi, je dirais aux gens, là, s'ils veulent, soit ils connaissent quelqu'un qui sont là-dedans puis qui se renseignent, ou via notre Facebook Motion Nation. C'est ce que j'allais vous demander. Ils peuvent communiquer avec nous, puis on peut leur donner des petits conseils. Ça va nous faire plaisir. On aime le monde. Ben oui, puis vous êtes tellement sympathique, moi. Je... Ah, merci. Ben non, mais c'est vrai, dans le sens que vous nous partagez ça. Même moi, qui étais un peu réticente, j'étais, oui, ça a l'air le fun, mais... Ça va être ton prochain défi, tu vas venir avec nous, on va te faire découvrir ça. Vous me donnez combien de mois à me préparer? Ben, combien d'années? Dans mon cas, t'as jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à l'été prochain. J'amènerai à la caméra des différents. Ben oui, une très bonne idée. Oh boy, dans quoi je me suis embarquée. Puis les gens peuvent aller voir aussi sur notre chaîne YouTube Motion Nation. Il y a quelques petites vidéos, il n'y en a pas des tonnes, mais quelques petites vidéos de Spartan Race, de Northman Race, mm-hmm. de Total Bouette. Ben, je vais mettre le lien, justement, ouais. là-dessus. Puis j'invite, entre autres, mon amie Véronique, qui nous écoute sûrement, qui m'a parlé de vous, justement, pour vous faire découvrir. Ben oui, bonjour. Puis je la mets au défi, elle aussi. Oh, je la mets au défi. Je l'ai pratiquement convaincue cette année, donc... Oui, on la met au défi, elle va venir avec toi. Mais on va s'amuser, c'est vraiment pour s'amuser, puis je vais me donner un bon coup de pied à c'est bonne C'est toujours race. Pour s'amuser, hein, en passant. Non? Ben c'est ça. En partant, c'est toujours ça. C'est ce que ça. Vous m'avez fait comprendre, puis c'est vraiment la différence entre, par exemple, les courses, que ce soit le cyclisme ou ces choses-là, où est-ce que les gens sont focus. Très sérieux. Les marathoniens sont très sérieux. Moi, c'est le côté... amusant que je trouve que... Mais ça va demander quand même de la préparation plus sérieuse avant de se rendre au Grand Parc pour enfants. Si on veut vous suivre, il y a Motion Nation, vous dites c'est une page Facebook, YouTube, une chaîne YouTube? Une chaîne YouTube. Les deux. C'est les deux. Une page Facebook et une chaîne YouTube nom de Motion Nation, tout collé ensemble, avec deux N dans le milieu, là, ça fait comme ça rejoint, là, Motion Nation. Motion Nation. C'est ça. Mais je mettrai le lien sur la page Facebook des différents pour vous suivre. Puis, vous mettez souvent des vidéos régulièrement? On était moins actifs un petit peu au cours de l'été parce qu'on avait tellement de courses qu'on n'avait quasiment pas le temps de s'occuper du site. Puis même, j'ai beaucoup, beaucoup... Je m'en excuse à tous mes amis, confrères, consoeurs, coureurs que j'ai filmés au cours des courses cet été. Il y a beaucoup de courses que j'ai pas eu le temps de monter que je vais faire sûrement bientôt. Cet hiver, je ne sors pas l'hiver. C'est ça, je ne sors pas l'hiver, fait que je vais avoir du temps à faire mes montages. Là, vous allez être bombardé des montages, des vidéos, exactement. Tout ça. C'est ça. Ben, écoutez, Bianca et Marc, merci beaucoup. Merci Marc Degagné, Bianca Turcotte, merci de m'avoir inspiré à probablement aller faire ça. Ah ben, Non, il n'y a pas de probablement. OK. Je vais amener ma gang. C'est ça. Mais merci, en tout cas, de nous avoir fait découvrir le monde des courses à obstacles. Puis vraiment, là, vous êtes inspirant. Puis, on va aller filmer ça pour l'été prochain. Oui. Peut-être une saison 3 des différents avec vous en ouverture, ça serait bien. Ça serait parfait. Yes. Toujours partant. À une prochaine. Merci beaucoup.